Il nous reste une dernière région à visiter côté musical cette semaine, c'est la région de l'Ouest canadien. Et on va entendre trois artistes de l'Ouest qui seront en spectacle ensemble le 2 juin. Juste vous rappeler par contre que Pontex, Étienne Fletcher et Rihanna seront en spectacle au Capitol Music Club à Saskatoon le 1er juin. Et le lendemain, le 2 juin, Pontex et Rihanna seront du côté d'Edmonton pour rencontrer leur copain, ami, Paul Cournoyer, qui lui habite à Edmonton. Donc, ce sera tout un spectacle, Pontex, Paul Cournoyer et Rihanna, le 2 juin. Ça se passe chez Aviary, ça c'est sur la 111e avenue Nord-Ouest à Edmonton. Donc on va entendre une chanson justement de Paul Cournoyer, J'y vais. Je sais que Paul Cournoyer travaille en ce moment sur du nouveau matériel. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que ça va sortir ce printemps ou à l'automne? À suivre. On va mettre un homme là-dessus pour en savoir plus. Donc on va y aller dans quelques instants avec Paul Cournoyer, J'y vais. On va avoir Béate de Pontex également, Mario Lepage, qui est de la Saskatchewan. Et on va terminer ce premier bloc de musique de l'Ouest avec la charmante Rihanna et sa pièce « En attendant demain », qui est du Manitoba, bien sûr. Et Mario et Rihanna reviennent tout juste d'un très beau voyage musical du côté de l'Europe où ça a bien été, ils ont attiré l'attention. Donc, je suis bien content pour eux. Et le 2 juin, ils rencontreront Paul Cournoyer du côté de Edmonton en Alberta, qu'on écoute à l'instant même avec « J'y vais ». C'est maintenant, c'est maintenant. plus j'avance, plus je suis en suspens. Comment faire face forwarder le slow motion? Ma pendule est arrêtée, le rêve est incessant. Les murs pleins de la regarder. Pourquoi pas tout faire tomber? C'est pas en brandissant la main qu'on va se réinventer. C'est pas en attendant demain qu'on peut se faire échanger. Des loops, la charmante Rihanna qui fait toujours de l'excellente musique et j'adore cette chanson-là, En attendant demain. Donc, bien content de faire tourner ça. Bien content aussi de faire tourner des découvertes que je fais. C'est pour ça que je fais cette émission Canrock chaque semaine, en espérant que les découvertes que je fais vont vous faire plaisir et vous allez aimer ça. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux produits, nouveaux artistes franco-canadiens. Et il y a quelques semaines, j'ai découvert un dénommé Loïc Morin de Vancouver qui m'a envoyé son album Rivière que je vais vous commenter la semaine prochaine. Très bon album de musique pop francophone fait à Vancouver. Et ça va bien pour lui. Bon, il est en nomination dans la catégorie francophone de Breakthrough, la musique de l'Ouest canadien. Donc, vraiment merveilleux. Je suis content de cette nouvelle-là pour lui. Et là, je viens d'apprendre que, cet été, il sera tout simplement en spectacle avec Étienne Fletcher de la Saskatchewan le 14 juin au festival d'été de Vancouver. Très belle programmation en passant. Allez faire un tour sur ma page Facebook pour voir une petite vidéo qui montre les artistes qui vont être là. Il y aura entre autres Sophie Villeneuve du Yukon qui sera là en spectacle avec Alissa Blanc. Donc, il y a aussi Patrice Michaud, Daniel Bélanger qui va être là. Il y aura François Houle qui est lui aussi de Vancouver. Donc, merveilleux. Parlant de Vancouver, on va écouter Loïc avec tout simplement « Derrière la tempête ». On va terminer l'émission avec M. Ronald Tremblay. « Danse-moi vers la fin de l'amour ». Alors, ça y est, le jour des adieux est arrivé. fils, mon frère. Avec un violon en flammes, danse-moi dans la panique jusqu'au repos de mon âme. Lève-moi comme un olivier, sois ma colombe de retour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi te sentir bouger comme à Babylone jadis. Révèle-moi ce dont je vois les limites et le tout. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi à la noce, oh, danse-moi tout le temps. Danse-moi tellement tendrement, danse-moi très longtemps. Tous les deux nous sommes en dessous au-dessus de notre amour. Danse-moi jusqu'au bout du jour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers les enfants demandant à naître en paix. À travers les rideaux que nos baisers ont usés, levons-nous dans un repère où la lumière gruge le jour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Jusqu'au repos de mon âme. Touche-moi avec ta main nue ou gantée de velours. Danse-moi vers la fin du jour. Danse-moi vers la fin. Danse-moi vers la fin de l'amour. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu. Je devrais peut-être, d'ici une semaine ou deux, vous présenter d'autres chansons de Ronald Tremblay. Je joue souvent celle-là parce que j'adore ça. Mais son album Poésie pour le poivre, qui est sorti en 1999-2000, je pense, assez intéressant comme album. Il y a de très bonnes pièces là-dessus. Donc, aussi, je vous ferai entendre sûrement d'autres artistes de l'Ouest canadien parce qu'il se passe de bien belles choses de ce côté-là. Et je suis toujours content d'avoir du nouveau produit d'artistes venant de l'Ouest canadien. C'est sur ça que se termine l'émission. Comme je vous disais, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux. Je le dis souvent, mais c'est vrai, si je serais tout seul, cette émission-là ne serait pas partagée comme ça à travers le Canada. Donc, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux, dont Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Il y a aussi les directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKJM Chéticamp, WIFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH La Radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Et l'émission est aussi disponible via archive.org. Et bien entendu, je salue tous les auditeurs de toutes ces régions-là. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock, envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Rentrer en contact avec eux, recevoir le produit et le faire tourner, comme Loïc Morin, que je viens de découvrir de Vancouver il y a quelques semaines. Donc voilà, on va partir, c'est parti, le thème de l'émission, qui me dit aussi que j'ai à peine 20 secondes pour vous dire une seule chose, qui est très importante. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. sur ça, je vous souhaite une bonne semaine musicale. La semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!